La nuit me plaît, par Eric Arasim. Haïku de novembre. Réveil du matin, sérénité de l'automne, j'écoute mon café. La maison des dunes, enchantement des secrets, balaie le vent. Tombés de la nuit, les vieux saules se parent de gris, orage naissant. Fuite des récits, ruissellement des paroles, la vieille femme se tait. Mer évaporée, la brume couvre les marins, naufrage des récifs. Poésie du temps qui passe, vieillir face au miroir, fige les saisons. Crépuscule d'hiver, les eaux glacées entonnent un nouveau chant. Les herbes folles bordent les étangs, hirsutes débordent la pluie. Au bord du canal, peuplier imitant la source, bruissement des feuilles. Grisailles colorées, des hortensias de novembre s'abreuvent les jardins. Au passage du poète, le facteur s'incline. Colline perdue, l'aube au-dessus de l'Ardèche, la roche se révèle. Village suspendu, dans les venelles mortes, les vents s'engouffrent. Un chien aboie, dans la campagne, une lueur, la nuit me plaît. Passage obligé des nuages, dans l'impasse, une vallée sournoise. Érosion du climat, aridité des terres, la gave s'ennuie. Négoce des corps, l'amour se meurt, où est Eros? Un regard se perd sous une jupe en fleurs, l'origine du monde. Écume de bière, crête du mont Cassel, noyade dans un verre d'amertume. Étreindre le temps, vouloir l'arrêter, ma montre fait des siennes. Dans les rues vides de mes dimanches, le silence s'arrête à ma porte. Au vivarais. Une douce caresse qui effleure du regard les pâtures infinies s'élevant vers le ciel, au-delà des puits. Je te sublime, merveilleux pays, et conjugue ton nom pour mieux t'apprivoiser. J'ai perdu le sens du vent et retrouve par ici les légendes du lieu-dit. Où les vieilles pierres me soufflent à l'oreille les histoires d'un rude climat qui apaise mon âme dans ses hauteurs endormies. Bruxelles. Bruxelles sous la pluie. Bruxelles infinie. Tu décolles à jamais. tu décolles à regret. Zaventem, terminal des envies aériennes. Zaventem, terminal des envies aériennes. Je t'aime, Bruxelles sous la pluie, Bruxelles infinie. Tu décolles en secret, tu décolles à jamais. Ici se termine « La nuit me plaît » par Eric Arasim. Illustration musicale de Pascal Moncarelli. Enregistré par Christiane Johan sous licence CC BY NC ND.